Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared. Premier épisode, l'été meurtrier. Réalisation, Pascal Deux. Au début des années 90, l'Américain David Simon, alors journaliste au quotidien Baltimore Sun, a suivi pendant un an les inspecteurs de la brigade criminelle de la ville. 12 mois pendant lesquels, de jour comme de nuit, il a partagé leur quotidien sur les scènes de crime comme dans les salles d'interrogatoire. De cette expérience, il a tiré un livre de plus de 900 pages qui a inspiré la série culte The Wire. Le récit de David Simon date d'il y a 25 ans, mais il jette encore sur Baltimore sa lumière crue. Cette plongée dans la violence urbaine est toujours d'actualité. Un homme de la brigade criminelle survit en apprenant à lire dans les voies hiérarchiques comme un romanichel dans les feuilles de thé. Lorsque les huiles posent des questions, il se rend indispensable en apportant des réponses. Lorsqu'il cherche une raison de coincer quelqu'un, il monte un rapport si carré qu'ils vont penser qu'il dort avec un exemplaire du manuel de la police. Et quand ils sont simplement à la recherche d'un bout de viande à épingler au mur, il apprend à se rendre invisible. Si un inspecteur possède suffisamment de parades pour tenir debout après la sporadique affaire prioritaire, le service lui reconnaît un peu de matière grise et lui fiche la paix. De sorte qu'il peut retourner répondre au téléphone et examiner des corps. Et il y a de quoi faire, à commencer par les corps matraqués au gourdin et à la batte de baseball, ou ravagés à coups de démonte-pneus et de parpaings. Les corps avec les plaies béantes, occasionnées par des couteaux à découper, ou des coups de carabine tirés de si près que la bourre de la cartouche est logée au fond de la blessure. Les corps dans les cages d'escalier des cités, la seringue hypodermique toujours plantée dans l'avant-bras, et ce calme navrant dans les yeux. Les corps repêchés dans le port, des crabes bleus accrochés aux mains et aux pieds. Les corps dans les caves, les corps dans les ruelles, les corps sur des civières derrière un rideau bleu aux urgences du CHU, avec des tubes et des cathéters dépassant toujours de leurs organes, comme dans une parodie des meilleurs atouts de la médecine. Les corps et les morceaux de corps qui sont tombés des balcons, des toits, des grues de la gare maritime. Les corps écrasés par de lourdes machines, asphyxiés par le monoxyde de carbone, ou suspendu au plafond d'une cellule de détention provisoire du commissariat du central par une paire de chaussettes en éponge. Les corps sur le matelas d'un berceau, entourés d'animaux en peluche. Les corps minuscules dans les bras de mères éplorées qui ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas de raison. Le bébé a simplement arrêté de respirer. En hiver, l'inspecteur, les pieds dans l'eau et la cendre, renifle cette odeur caractéristique tandis que les pompiers dégagent des décombres, des corps d'enfants abandonnés dans une chambre dont le radiateur a provoqué un court-circuit. En été, au deuxième étage d'un immeuble, dans un appartement sans fenêtre, mal ventilé, il regarde les assistants du légiste bouger l'épave enflée d'un retraité de 86 ans qui est mort dans son lit et y est resté jusqu'à ce que les voisins ne puissent plus supporter l'odeur. Il recule d'un pas lorsqu'il roule le pauvre bougre sur lui-même, sachant que le buste est prêt d'éclater comme un fruit trop mûr, et sachant également que la puanteur va rester imprégnée dans les fibres de ses vêtements et les poils de son nez pour le reste de la journée. Il voit les noyades qui suivent les premières belles journées de printemps et les victimes par balles des stupides rixes de bar qui sont un rite des premières chaleurs de juillet. Au début de l'automne, quand les feuilles commencent à changer de couleur et que les écoles ouvrent leurs portes, il passe quelques jours dans le Southwestern, à Lake Clifton, ou dans un autre lycée, où des petits prodiges de 17 ans viennent en classe avec un calibre 357 chargé et terminent la journée en arrachant d'un coup de feu les doigts d'un camarade dans le parking de l'établissement. Et les matins privilégiés, tout au long de l'année, il se tient près de la porte d'une salle carrelée au sous-sol d'un immeuble de bureau de l'État, au croisement de Penn et de Lombard, à regarder des légistes chevronnés désassembler les morts. Pour chaque corps, il donne ce qu'il peut se permettre de donner, et pas plus. Il mesure soigneusement la quantité d'énergie et d'émotion requises, classe l'affaire et passe à l'appel suivant. Et après des années d'appels, de corps, de scènes de crime et d'interrogatoires, un bon inspecteur répond toujours au téléphone avec la même croyance obstinée, indéfectible, que s'il fait son boulot, il est possible de connaître la vérité. Un bon inspecteur ne lâche pas. C'est l'été, la vie est belle, dit Gershwin. Mais il n'a jamais été forcé d'enquêter sur des meurtres à Baltimore, où l'été est si étouffant, si torride, si bouillant que la ville en éclate comme le trottoir du diable. De Milton à Poplar Grove, la chaleur s'élève, visible à l'œil nu, par vagues grésillantes au-dessus de l'asphalte, et avant midi, on se brûle les doigts sur les briques et les formstones. Pas de chaises longues, pas d'arrosage, pas de piña colada dans un mixeur Waring 10 vitesses. L'été en ville, c'est la sueur, la puanteur, et des ventilos à 29$ qui crachent un air fétide par la fenêtre du premier étage de la moitié des pavillons de la cité. Avec ça, Baltimore est un vrai marécage, bâti sur un bras mort de la baie de Chesapeake par des réfugiés catholiques dévots qui auraient dû réfléchir un peu mieux à la question quand le premier moustique de la rivière Patapsco a commencé à mastiquer un bout de peau européenne palichonne. L'été à Baltimore est à lui tout seul un argument sans appel, une masse critique. La saison est une interminable parade des rues, avec la moitié de la ville qui s'évente sur les perrons de marbre et de pierre, attendant une brise du port qui ne semble jamais parvenir à traverser la cité. L'été, c'est un service de 16h à minuit à base de coups de matraque et de descente des fourgons du Western, avec 300 durs à cuire qui se toisent entre eux et fusillent du regard toutes les voitures de patrouille qui passent. L'été, c'est 90 minutes à jouer les renforts aux urgences d'Hopkins, un cœur bestial d'insultes et de supplications des occupants des cellules de tous les commissariats de la ville, la promesse quotidienne d'un nouveau bain de sang nocturne sur le lino dégueulasse d'un quelconque fast-food de Federal Street. L'été, c'est un massacre au couteau dans un bar de Druid Hill, une fusillade de 10 minutes dans les terrasses, une scène de ménage qui dure la journée entière jusqu'à ce que mari et femme se tournent tous deux contre les flics. L'été, c'est la saison du meurtre sans mobile, des couteaux aztèques à la lame brisée et des démonte-pneus tordus. C'est l'époque de la vie dangereuse, la vraie, la saison des représailles massives et immédiates, le milieu naturel de la bataille décisive. Température ambiante, 35 degrés Celsius. Par-dessus le marché, il y a les suicides, les overdoses et les morts non expliquées, le menu fretin des tâches quotidiennes qui deviennent tout à coup insupportables lorsque les cadavres pourrissent par 35 degrés Celsius. N'essayez même pas de montrer les statistiques et les graphiques à un inspecteur de la criminelle. Il les repoussera avec dédain. L'été est une guerre. Posez un peu la question à Eddie Brown, par un chaud après-midi de juillet à Pimlico, quand les filles du quartier dansent sur le perron des pavillons, tandis que la police scientifique et les inspecteurs nettoient une scène de crime. Un jeune homme est mort, abattu sur le siège passager d'une voiture volée qui descendait Pimlico Road en direction de Green Spring, en quête d'un autre lascar qu'il a finalement trouvé le premier. Un meurtre en plein jour sur une artère principale, mais le chauffeur de la voiture s'est envolé et personne n'a rien vu. Brown extrait un 32 chargé des décombres de la voiture. Les filles se trémoussent sur un beat altéré jusqu'à la distorsion par le volume poussé à fond. D'abord un gémissement aigu, « It takes two to make a thing go right », puis la ligne de basse et un autre cri de soprano, « It takes two to make it out of sight », numéro 1 foudroyant. Cette chanson remporte haut la main le prix son du ghetto de cet été, avec cette ligne de basse caverneuse et ses glapissements suraigus sur le contretemps. Beatbox puissante, rythme mortel, et une petite minette à la voix sucrée qui vagit imperturbablement les deux mêmes phrases. Dans l'East Side, le West Side et dans toute la ville, les lascars de Baltimore se battent et meurent sur la même bande-son. Vous pensez que l'été est une saison comme les autres ? Interrogez plutôt Rich Garvey, sur la fusillade du 4 juillet sur Madeira Street dans l'Eastern, où une femme de 35 ans a mis un point final à une querelle récurrente avec sa voisine par une balle de 32 tirée à bout portant, avant de retourner à son pavillon en laissant l'autre agoniser. It takes two to make a thing all right. Interrogez Kevin Davis sur Ernestine Parker, une habitante de Pimlico entre deux âges qui décide que le pire ce n'est pas la chaleur mais l'humidité, puis applique un fusil de chasse sur la nuque de son mari un soir de juillet. Et lorsque Davis rentre au bureau et rentre le nom d'Ernestine dans l'ordinateur, il apprend qu'elle a déjà croqué la pomme. Elle a tué un autre homme il y a 20 ans. It takes two to make it out of sight. Interrogez Rick James après une matinée d'été dans la cité d'Hollander Ridge, où un homme gît mort sur un matelas trempé de sang. Il est calmement monté se coucher après s'être fait poignarder par sa copine la veille au soir. Ou interroger Constantine sur sa scène de crime sur Jack Street, à moins d'une rue de la cité des Brooklyn Homes, où l'épave d'une femme de 90 ans l'attend dans une chambre aux quatre murs éclaboussés de sang. Battue, violée et sodomisée, la vieille dame a ensuite été étouffée avec un oreiller, ce qui a mis fin à son supplice. It takes two to make a thing go right. L'été, pas besoin de mobile. L'été est un mobile en soi. Interrogez un peu Eddie Brown sur le gamin de 15 ans qui a abattu son pote avec un calibre 22 de la police sur Preakness, samedi soir à Cherry Hill, puis refuse d'un air suffisant de faire la moindre déposition, persuadé à juste titre qu'il ne sera condamné que comme mineur. Puis interroger Donald Kincaid sur Joseph Adams, qui a succombé à une hémorragie massive dans l'ambulance qui l'emmenait à University Hospital, après s'être fait pousser dans la vitrine d'une épicerie au cours d'une bagarre avec un ado de 14 ans. La plaque de verre est tombée sur sa nuque comme une guillotine. It takes two. Les cadavres s'accumulent. Le chemin de juin à juillet est une rivière de sang. Et même chez des hommes pour qui une indifférence calculée à la faiblesse et à la misère humaine est une technique de survie indispensable, l'été produit sa propre variété de perversion. On est à la PJ, monsieur, à la criminelle. Et ni la chaleur, ni la pluie, ni les ténèbres nocturnes ne détourneront ces hommes de leur rendez-vous avec l'inhumanité. Des blagues cruelles, alors ce seront les plus cruelles. Un humour tordu, alors ce sera le plus tordu. Et vous posez la question, comment peuvent-ils bien faire ça? Représentez-vous Garvey et Warden en train de partager une clope devant un appartement au premier étage sur Landvale, où un alcoolique vieillissant repose au sol, mort. Sa bouteille est vide, son cou proprement brisé. En toute probabilité, il était encore en vie quand il est tombé par terre, mais sa femme, aussi beurrée que lui, l'a tué accidentellement en lui brisant le cou avec la porte qu'elle forçait pour entrer dans la pièce. « Tu veux qu'on classe ça comme meurtre ?» lance Warden, impassible, en examinant puis allumant son cigare. « Ça ferait bien dans les stats, » rétorque Garvey sur le même ton. « Alors on classe ça comme meurtre. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je suis juste un petit blanc ignorant d'Amden. » Elle est simple comme bonjour, cette affaire. Je crois pas qu'elle soit assez forte pour le tuer. Oh, et puis merde, fait Garvey, faisant mine de mesurer une truite. On la remet à l'eau, celle-là. Et maintenant, arrêt dans l'arène centrale de la brigade criminelle. Là où cohabitent des hommes forts en gueule et au cœur tendre qui incarnent la loi. Véritable Sisyphe de la justice, enseveli sous les rapports tapés avec deux doigts sur leur machine à écrire. À chaque incident correspond une missive d'une ou deux pages, assortie d'un titre bref et sans équivoque, et un inspecteur qui feuillette le fichier peut lire dans ces titres une chronologie exhaustive de la violence à Baltimore. Fusillade, fusillade, mort suspecte, coup de couteau, arrestation, meurtre, fusillade grave, meurtre, meurtre, fusillade grave, suicide, vol, coup de couteau, mort suspecte, possible overdose, braquage, fusillade, mort, agonisant ou simple blessé, il y a un formulaire 78-151 pour chaque victime dans la ville de Baltimore. En guerre plus d'un an à la criminelle, Tom Pellegrini a probablement rempli les cases de plus d'une centaine de PV. Selon la même estimation, Harry Edgerton a dû noircir 500 formulaires depuis son transfert à la criminelle en février 1981. Et Donald Kincaid, le plus ancien inspecteur de l'escouade d'Edgerton à la brigade depuis 1975, en a sans doute tapé largement plus de 1000. Plus que le tableau, qui ne compte que les meurtres et leur élucidation, le fichier des PV représente la mesure exacte de la charge de travail d'un inspecteur. Si votre nom se trouve au bas d'un PV, cela signifie que vous répondiez au téléphone lorsque l'appel est arrivé, ou encore mieux, que vous vous êtes porté volontaire lorsqu'un autre inspecteur a agité un ticket vert de prêteur sur gage avec une adresse griffonnée dessus, en posant une question plus ancienne que le bâtiment qui abrite les services de police, qui est sur le coup. Harry Edgerton ne se portait pas souvent volontaire, et parmi les autres membres de son escouade, ce simple fait s'était transformé en plaie ouverte. Dans l'équipe, personne ne doutait des qualités d'enquêteur d'Edgerton, et la plupart de ses collègues auraient reconnu que, sur le plan personnel, ils appréciaient l'homme. Mais dans une unité de 5 personnes où les inspecteurs travaillaient tous sur les affaires des uns et des autres et géraient toutes sortes d'appels, Harry Edgerton, qui partait régulièrement poursuivre ses propres aventures de son côté, était pour ainsi dire un loup solitaire. Dans une unité où la résolution de la plupart des meurtres se jouait dans les premières 24 heures de l'enquête, Edgerton poursuivait ses investigations pendant des jours ou même des semaines, traquant des témoins ou menant des surveillances selon un rythme qui n'appartenait qu'à lui. Systématiquement en retard pour les transmissions et les relèves de nuit, Edgerton pouvait tout aussi bien être en train de monter un dossier sur une affaire à 3 heures du matin quand son service était censé s'achever à minuit. La plupart du temps, il menait ses enquêtes sans être secondé d'un autre inspecteur. Il recueillait lui-même les déclarations des témoins et conduisait ses propres interrogatoires, indifférent aux tempêtes qui pouvaient secouer le reste de l'escouade. Pour eux, Edgerton était davantage un tireur d'élite qu'un bon soldat. Et dans un environnement où la quantité semblait compter davantage que la qualité, son éthique professionnelle était une source constante de tension. Les origines d'Edgerton ne faisaient qu'accroître son isolement. Fils d'une pianiste de jazz new-yorkaise respectée, c'était un pur produit de Manhattan, qui était entré dans la police de Baltimore sur un coup de tête après avoir vu une pub dans les petites annonces. Là où beaucoup des membres de la brigade avaient passé leur enfance dans ces mêmes rues qu'ils écumaient désormais, le cadre de référence d'Edgerton, c'était le nord de Manhattan. Les souvenirs de visites au Metropolitan Museum après l'école, de soirées dans les clubs où sa mère accompagnait des pointures telles que Lena Horne ou Sammy Davis Jr. Son enfance était on ne peut plus éloignée du travail de policier. Edgerton pouvait se vanter d'avoir vu Dylan à Greenwich Village au début de sa carrière, et il avait plus tard chanté dans son propre groupe de rock'n'roll qui répondait au nom hippie d'Aphrodite. Une conversation avec Harry Edgerton avait toutes les chances de dériver du cinéma étranger d'art et essai au jazz fusion, en passant par les mérites comparés des vins grecs d'importation. Une expertise acquise grâce à son mariage avec la fille d'un négociant grec de Brooklyn, qui avait fait venir sa famille à New York après des années prospères dans l'import-export au Soudan. Tout cela faisait d'Harry Edgerton, même à l'âge vénérable de 40 ans, une énigme pour ses collègues. Lorsqu'il faisait la nuit, pendant que le reste de son équipe regardait Clint Eastwood caresser le pistolet le plus gros et le plus puissant du monde, Edgerton rédigeait un rapport quelconque dans le foyer en écoutant une cassette de reprise de Woody Guthrie par Emmylou Harris. Et à l'heure du dîner, Edgerton était capable de disparaître dans le fond d'un fast-food d'East Baltimore Street où il se plantait devant un jeu d'arcade et se perdait dans un effort enfiévré pour détruire des créatures de l'espace multicolores avec un rayon laser mortel. Dans un environnement où porter une cravate rose est tenu pour suspect, Edgerton était un barjot certifié. Une des sorties favorites de Jay Lanzmann résumait à peu près l'état d'esprit de toute l'unité. Pour un communiste, Harry est un inspecteur du tonnerre. Et bien qu'Edgerton fût noir, Ses origines cosmopolites, ses penchants pour les cafés enfumés et même son accent new-yorkais déjouaient si complètement les attentes qu'il était considéré comme inauthentique par les inspecteurs blancs, accoutumés à ne voir les noirs que par le prisme étroit de leur propre expérience dans les taudis de Baltimore. Edgerton échappait aux stéréotypes et brouillait les idées préconçues que la brigade se faisait des frontières raciales. Même les inspecteurs noirs autochtones comme Eddie Brown suggéraient couramment que si Edgerton était noir, il n'était sûrement pas un pauvre nègre. Une distinction que Brown, qui conduisait une Cadillac Brougham de la taille d'un petit paquebot, se réservait. Et dans les cas où les inspecteurs blancs avaient besoin d'un volontaire pour appeler anonymement quelque adresse de West Baltimore pour voir si un suspect recherché se trouvait chez lui, il décourageait bien vite Edgerton. « Pas toi, Harry. On a besoin d'un type qui ait une voix de noir. » « Harry, qu'est-ce que tu fabriques à la machine à écrire ?»« Hé, Harry, t'as quand même pas pris un appel, si ?»« Qu'est-ce que c'est, Harry ? Une grosse affaire ? Tu vas encore être détaché, Harry ?» Edgerton s'allume une cigarette et rigole. Après toutes ses missions spéciales, ça lui pendait au nez. Il en est conscient. « Très drôle, » répond-il sans cesser de sourire. « Vous êtes une sacrée bande de lascars. » Apportant sa propre paperasse à l'autre machine à écrire du bureau, Bob Bowman se penche sur son épaule et regarde l'intitulé du PV d'Edgerton. « Un suicide ? Harry, t'es allé constater un suicide ?»« Ouais, » fait Edgerton, jouant le jeu. « T'as vu ce qui arrive quand on répond au téléphone ? Je parie qu'on ne t'y reprendra pas. Pas si je peux l'éviter. Je savais pas que t'avais le droit de faire les suicides. Je croyais que tu faisais seulement les grosses enquêtes. » « Je m'en canaille. »« Hé, Rog !» lance Bowman à son sergent d'escouade qui entre dans le bureau. « Tu savais qu'Harry s'était déplacé pour un suicide ?» Roger Nolan se contente de sourire. Edgerton est peut-être un enfant à problème, mais Nolan sait que c'est un bon inspecteur et tolère par conséquent ses petites manies. D'ailleurs, Edgerton a plus qu'un simple suicide sur les bras. C'est lui qui a récupéré le premier meurtre de l'année pour l'escouade de Nolan. Un meurtre à l'arme blanche d'une rare brutalité dans le Northwestern, une affaire dont rien n'indique qu'elle va s'éclaircir facilement. Mais qu'Edgerton travaille sur un meurtre récent ne compte pas pour grand-chose. Et ça ne veut rien dire pour personne dans son escouade qu'il ait pris l'appel pour le suicide sans trop protester. La charge de travail d'Edgerton demeure un point névralgique pour ses collègues, Bowman et Kincaid en particulier. Et étant leur sergent, Roger Nolan sait que ça ne peut qu'empirer. Il est de sa responsabilité d'empêcher ses inspecteurs de s'étriper. Aussi, plus que quiconque dans la pièce, le sergent est parfaitement conscient qu'il y a une arrière-pensée dans chaque remarque badine. Bowman, le premier, ne peut pas lâcher l'affaire. « Je sais pas où on va, si Harry est obligé de se déplacer pour un suicide. »« T'en fais pas, » marmonne Edgerton, retirant le rapport de la machine à écrire. Après celui-là, j'arrête pour l'année. Là, même Bowman ne peut s'empêcher de rire. C'était Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Lu par Eric Erson-Macarel, avec la voix de Johanna Nizar. Musique originale, Emmanuel Bex et Simon Goubert. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared, traduit par Héloïse Esquier. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre et Dali Yaha. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Pascal Deux. Baltimore, une année au cœur du crime, est publié aux éditions Sonatine.